grand fantaisiste Séraphin Lampion et son ensemble instrumental. Si bon de pommier, la base où les pommiers, le sol, le yé, les bananiers.